Le numéro 156 par Kesaring, ce feutre sur papier de 1989. Commençons pour ce feutre à 1500 euros, 1500, 1700, 1700, 1900, 2000 euros, 2400 euros, 2600, 2600, 2800 euros, 2800 euros, 3000 euros. Sur ordre d'achat, 3000 euros, quelqu'un pour volontaire de 3000 euros, 3100, 3200, mais 3200 dans la salle, 3200 dans la salle, oui, 3400, 4400 ici, 4500, 3600, 3600, 3600, 3600, 3800, 3900, 4000 euros ici au téléphone, 4100, oui, 4200, 4300, 4400, 4400, 400, plus dans la salle, 4400 au téléphone, 4400, c'est bien vu, j'adjuge, 4400 euros au téléphone.